Et la caille à bana forêt écoti. Et la caille à bana forêt écoti. Panina tikani te meya bozoma. Bana forêt, mayeli lisano. Et la caille à bana forêt écoti. Et la caille à bana forêt écoti. Panina tikani te meya bozoma. Bana forêt, mayeli lisano. Voici la fleur à terre, bobine à la roue.